Le blanc d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Comme tous les lundis, on reçoit Maxime Lemieux-Laramin. Et Martin Bertrand analyse un sujet de la culture populaire dans ses petites mythologies. C'est à Assemblage Requis et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Bonjour Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Ben ouais, belle fête de semaine, toi? Oui, très belle. Qu'est-ce que ça fait? Hey, j'ai fait de la décalade en fin de semaine. C'est vrai, tu m'as montré ça sur YouTube, c'est assez spécial. Hein? Ça fait un an là, que j'en parle, mais là pour vrai, aujourd'hui, je vais raconter pour vrai mon expérience de décalade, ma deuxième. Puis prochainement, là, il devrait avoir des vidéos. Je sais que ça fait aussi un an que je te promets de t'envoyer des vidéos de mes décalades. Mais là, bientôt, ça s'en vient, promis. Tu décales ça de plus en plus tard. Décale. Ah, ouais. Sinon, aujourd'hui, dans l'émission, on va voir Martin Bertrand, comme à chaque semaine, avec ses petites mythologies. C'est la dernière de la série 2 aujourd'hui. Et son sujet, ma foi, incroyable, c'est le bonheur en pilule. Mm-hmm. Intéressant. Assez intéressant. Et puis Maxime Lemieux-Laramé, bon, on sait pas de quoi il va nous parler parce que lui, il arrive comme ça, comme un cheveu sur un cheveu de quille, boule de quille dans un magasin de vaisselle. Exactement, mais le suspense ne devrait pas durer trop longtemps puisque dans à peu près quoi, une vingtaine de minutes, il va être là. Donc, Suspense comme un élastique en décalade. C'est un élastique, par exemple? Non, il n'y a pas d'élastique, là, mais tu peux en mettre dans tes cheveux si tu as les cheveux assez longs. Ou... Ça, puis un scrunchie. C'est l'affaire que tu mets dans tes... comme un genre de... avec un... puis là, tes cheveux sont... Je suis pas une fille, hein. Les coiffures, c'est comme une affaire, tu peux faire des coiffures, c'est comme un genre de velours, là, c'est comme années 80. Là, Kiwan est allé sur Google Images et a cherché scrunchie pour pouvoir dire aux gens c'est quoi un scrunchie. Ouais, c'est un élastique, mais recouvert de tissu, puis le tissu est comme plissé là, parce qu'il y en a trop, fait que ça fait comme une grosse boule, comme un gros bang, puis ça sert à attacher les cheveux. Et comment est-ce que j'avais décrit ça tantôt? Comme une affaire qui ressemblait à du velours, venant les cheveux pour faire flexible. Donc ça avait vraiment pas rapport. Mais bref, une chose qui est sûre, c'est que ça a vraiment pas rapport avec la décalade, donc on peut arrêter d'en parler tout de suite. Bon, mais au moins, on est revenu pour dire aux gens pourquoi je vais parler de ça. Bon, c'est dit. Alors, on va l'entendre un groupe que Sophie nous a fait découvrir tantôt. Sophie Laforêt qui était avant nous à l'émission Chérie m'écoutes-tu. J'aurais dû dire excellente émission, Chérie m'écoutes-tu. Hein? Bon. De quoi elle nous a parlé tantôt? Oui, ben ça passait au début de l'émission. Ça fait quand même un bon 2 heures, je dirais. Donc, on se permet de le réécouter tout de suite parce que c'est vraiment bon. Je connaissais pas ce groupe-là. Ça s'appelle Waving Hand. C'est un groupe de Québec. Et c'est très bon. Si vous voulez en entendre plus parler, allez écouter la balado-diffusion de Chérie m'écoutes-tu. Sur le blog sophieaimelamusique.blogspot.com, évidemment, la rediffusion de Chérie m'écoutes-tu, c'est les mardis juste après nous à 17h. Ben oui, réécoutez demain, dans le fond. C'est comme un Oreo, tu sais. Il est avant nous le lundi, il est après nous le mardi. C'est comme tremper dans le lait. Pareil. C'est délicieux. Donc, on va aller écouter ça, Waving Hand, Mathieu. Quelle pièce? Celle que Sophie nous a suggérée tantôt. Ouais. C'était, hein? Ça va être le bal masqué, pareil comme la Compagnie Créole, mais c'est pas une reprise de la Compagnie Créole. Ben, j'espère bien. Je te le souhaite, sinon, pas sûr. Mais quoi, ça pourrait être bon quand même, si c'est une bonne reprise. Ouais, ben oui. Ben oui. On n'a rien non plus contre la Compagnie Créole. Mais non. La position numéro 13 du palmarès anglophone de C'est fou, c'était Woodhands avec Pockets ici à Assemblage Rocky. Ouais. L'émission Assemblage Rocky qui est diffusée, comme vous l'écoutez présentement, de 15h à 17h du lundi au jeudi. True that. Et comme on fait régulièrement, je dirais presque à tous les lundis, on peut dire à tous les lundis, on vous propose une suggestion alternative à l'émission parce qu'on est vraiment de bons joueurs et on veut vous donner la chance d'explorer. Ben, c'est ça, on veut pas juste dire écoutez juste à l'Assemblage Rocky, c'est sûr qu'il y a d'autres affaires qui existent. Vous voulez les voir, ces affaires-là, ou les entendre, on vous met au courant. T'sais. On est fin. Donc, je dis pas le nom, on connaît le concept, je dirais pas le nom de l'émission qui joue présentement ailleurs. Tu vas deviner, Mathieu, ce que c'est. Ok, bon, je vais deviner. Ça va être facile aujourd'hui, finalement, ce sera pas trop compliqué. T'auras pas besoin d'aller chercher dans tes connaissances encyclopédiques sur les soaps américains, ça devrait être assez facile aujourd'hui. Moi et Francis Redé, là, on est très, très fait divers. Trivia. Ouais, tu pourrais peut-être faire l'émission, là, tous pour ou contre. Les fous de l'amour, peut-être. Modèle, ou... Dis-moi pas les réponses, je veux pas que tu me donnes le choix de réponse, ça va être trop facile pour moi, sinon. Ouais, c'est ça, mais le choix de réponse est pas mal toujours le même et il est pas très étendu non plus. Mais bon, cette semaine, Ridge offre son aide à Taylor. À Taylor, faut dire Taylor. Hein. Taylor. C'est pas Taylor, c'est Taylor. D'accord. Mais celle-ci lui fait comprendre que tout va bien et qu'elle reprend des forces. Taylor donne un conseil à Ridge. Écoute bien le conseil, Mathieu. Il ne faut pas qu'il épouse Brooke, car entre Brooke et Taylor, c'est vraiment la guerre. Wow. OK. Là, faut que je devine c'est quoi le nom de l'émission, c'est ça? Ouais, c'est facile aujourd'hui. Trop l'émission. OK. Ridge. Ridge. Taylor. Taylor. Brooke. Brooke. Brooke. Brooke Taylor Ridge. Ridge Taylor Brooke. J'irais Top Model. Oui, yeah! Bravo. c'est trop facile aujourd'hui. La semaine prochaine, on revient avec des questions plus sur le contenu de l'émission. OK. Watch out. Savoir ce qu'ils ont mangé ou quelle arme ils ont utilisé pour tuer quelqu'un ou quel outil est utilisé pour faire l'avortement de quelqu'un, je sais pas. Chose du genre. Oui, il y a une moyenne d'environ, c'est quoi, c'est, je pense que c'est 1.2 événements dramatiques par émission. Donc, ça comprend soit un avortement, un divorce, un meurtre ou un suicide. Un mariage, des fois, pour les finales de saison. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, des fois, ça peut être combiné ensemble. C'est malade, ces affaires-là, j'adore ça. Bon, donc, oui, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, l'émission qu'on lève à plusieurs personnes. Je dirais que c'est un effort de groupe. D'ailleurs, parlant de groupe tantôt, Maxime Lemieux-Laramé va être avec nous pour nous parler de différentes nouveautés ou découvertes musicales qu'il a fait pendant la semaine. Ouais, ça s'en vient ça dans quelques minutes. C'est tout de suite après la pièce qu'on va écouter de Mono Grenade, qui sont d'ailleurs ce soir, Mono Grenade, font leur ronde préliminaire aux Francouvertes à Montréal en compagnie de, en fait, pas en compagnie, mais contre les groupes Tire le Coyote et l'Ours. Donc, ça va être une soirée assez tranquille pour les Francouvertes ce soir et on va voir qui sortira vainqueur de ça. Le groupe qui détient présentement la pole position, c'est Jésus les Filles, mais il y a seulement 3 groupes de passer, donc son premier sur 3. Francis Reddy, as-tu un groupe? Sur Facebook, sûrement. Dans Chambre en Ville, là, il jouait pas de la musique avec Richard Le Piano. Pis, Ouais, non, il y avait une froc de cuir, mais non, je pense pas qu'il y avait de groupe. Il y avait des coups de couette de cheveux sur des batteries de cuisine. Mono Grenade, ce soir. Plus jamais pareil. Plus jamais. Simon Grenade avec la pièce Ce soir, donc qui sont francouvertes ce soir justement, et aussi avec le groupe qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission qui était très bon, Waving Hand, vont être en spectacle, les deux groupes ensemble, Mono Grenade et Waving Hand, c'est au mois de mars. C'est comme une main qui lance une grenade, c'est comme si c'était prédestiné, tu comprends-tu? Une main. Non, pas du tout. Waving, qui fait comme... Allô? Maxime est arrivé, j'ai dit ça comme ça. Ah ouais? OK. Ah, notre tâche de parler à Maxime. Encore une fois, t'es obligé de parler avec Maxime, le millénaire américain. Que voulez-vous? Là, c'est un plaisir, voyons. Ah, excuse-moi, ben oui, c'est vrai, c'est un plaisir. Tu m'appelles toujours les dimanches pour me dire, tu viens-tu demain? Est-ce que t'as amené les suppos? T'as pas entendu la pub d'aujourd'hui. Hein? Hein? J'ai pas entendu. Non, c'est mieux. Bon. Il a dit une niaiserie avant que j'arrive? Non, c'est parce qu'on a fait un teaser, une pub pour l'émission. On l'a fait pour la journée avant. T'as pas entendu celle aujourd'hui? Non. Apparemment, non. Okay. Ce lundi à Assemblage requis, pour coïncider avec le changement de nom de la pilule du lendemain, Martin Bertrand parle du bonheur en pilule. D'ailleurs, on va aussi animer toute l'émission avec un suppositoire. Et pour nous aider à les enfoncer, Maxime Lemulermé. Je sais pas si ça va être diffusable, celle-là. Ah, on me confirme que non, ça passe pas finalement. Puis hey, j'ai le docteur Paul Caca justement au téléphone qui est en train de me dire. Ok, Maxime, tu sais, ça va être tout. Assemblage requis, aujourd'hui 15h. Wow! C'est magique. Magistral. Ouais. Je vais commencer ma chronique là-dessus. Hein. Alors, aujourd'hui, je vous parle entre autres de The Antlers. C'est un band de New York. Hein, comme d'habitude, hein, Kiwan. T'aimes beaucoup les groupes de New York. C'est la vague là, ouais. New-Yorkaise ces temps-ci. Et puis, ils ont sorti un album, attendez, je pense que c'est au mois d'avril. Je suis pas sûr et certain, mais c'était au mois d'avril, ça fait presque un an, je crois, qu'ils ont sorti The Hospice. Et puis, j'ai choisi la pièce, qu'est-ce qu'on avait dit, donc, Two. Ouais, Two. Ouais, Two, comme ouais. Deux, qui est sur MySpace. Alors, je vous conseille vraiment cet album-là, Hospice. J'ai découvert The Antlers sur Pitchfork. Il y a eu une excellente critique de cet album-là. Et puis, ils seront à Montréal 17 février, ça veut dire mercredi. C'est bientôt. Dans 7, deux jours. 17 février à Montréal. Pour une fois que tes suggestions de spectacle ne sont pas dans trois mois à Berlin, on va en profiter. Puis, ben, je vois. Oh, ils vont être à Berlin aussi le 8 mars. Ah, là, ils sont tous à Berlin, les gars. Ils vont être à Dublin aussi le 24 mai. Alors, ça dépend de vos vacances, mais vous pouvez peut-être vous rendre à Berlin. Ou pour les gens qui nous écoutent de Berlin, ils vont être à Berlin au mois de mars. Alors, on va écouter la pièce « Two » de The Antlers. Dans le bloc télécharge quoi? Assemblage requis. To hear that there was nothing that I could do. tu sais pas s'il reste une minute. Je sais pas tout, là. Ça paraît. Bon, on va l'arrêter, là. Sûr? Oui, oui. OK. Vite ben non, mais... Je savais que tranquillement, comme très subtilement, comme radiophonique au bout. Oh, puis là, on parle par-dessus, puis là, c'est tout sexy. Vous écoutez les super slow en grande suite de 7. Alors, c'était The Antlers avec Two, comme dans deux. Et puis, c'est ça, je suggère l'album Hospice, qui est paru en avril 2009, si je ne m'abuse. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'autres albums? Je pense que c'est leur troisième album. Ouais. Mais tu pourras vérifier par toi-même. Ils sont combien dans le groupe? The Antlers. Ah, d'accord. Donc, ils sont au moins deux parce qu'il y a un S à Antlers. Hein? C'est ça. Je dirais même trois et plus. Ah non, mais ça, c'est niaiseux, vos questions, par exemple. Ouais, là, vous faites manque exprès, de respect. Ouais, vous faites exprès parce que vous savez que je suis rendu au deuxième artiste, que j'ai vraiment tourné la page sur le premier. Et puis, vous me mettez comme ça dans un coin. Okay, on va arrêter de vivre dans le passé. Ouais. Donc, alors, prochain groupe. Ouais, ben c'est ça, prochain groupe que j'ai vu à Oshiaga en 2008. En fait, non. Anecdote. Alors, je vais dire le groupe en premier. Sharon Jones and the Dap Kings. C'est du funk. Ils vont sortir un album au mois d'avril. Ouais, ça, c'est eux qui vont sortir au moins un album au mois d'avril. 6 avril, si je ne m'abuse. Exactement, 6 avril. Ça va s'intituler « I Learned the Hard Way ». Et puis, c'est ça, il était à Oshiaga en 2008. Et puis, bon, j'hésitais. C'est comment que c'est à Oshiaga? J'hésitais entre deux bandes et puis je suis allé voir l'autre. Puis à un moment donné, j'ai reçu un message texte genre de mon ami, il dit « Man, je sens plus mes jambes, faut que tu viennes voir ça. » En tout cas, ça avait l'air de groover et de danser. Mais tu sais, c'est du funk, alors faut être dans le mood pour apprécier. Alors c'est un groupe qui est aussi installé à Brooklyn, New York. Je suis vraiment pas original. Hein, pour East Coast pas mal. Ouais, East Coast. Ouais. Represent. Ben, c'est ça. Hein? Je suis natif de la East Coast. Mm-hmm. Je représente la East Coast. La zone horaire dans ouais. laquelle nous sommes. C'est laquelle? L'heure de l'Est. Ah. C'est ça, c'était-tu supposé être une question? Ben non, mais est-ce que c'est notre fuseau horaire, c'est heure de l'Est? Ça s'appelle comme ben, ça? Le fuseau horaire de l'Est, non? Ah, non? Je sais pas, ça peut porter à confusion là, quand on parle d'Ouest puis d'Est. Tout est à l'Est de quelque chose. Là. Ça, c'est vrai, par exemple. Alors, on va écouter la pièce-titre du prochain album qui est disponible sur MySpace. Ça s'appelle « I Learned the Hard Way, Sharon Jones and the Dap Kings ». Assemblage requis. Télécharge-toi. Just to be by your side. I Learned the Hard Way de Sharon Jones and the Dap Kings, qui sort un album. Oh, excuse-moi, non, vas-y. Ouais, qui sort un album au mois d'avril prochain, alors à surveiller. Quand même des influences assez rétro. Oui. Oui, est-ce que vous avez aimé ça? Je trouve que ça faisait changement de ce que je présente habituellement. Ça, c'est vrai, pour faire changement, ça fait changement. Ben, c'est ça. Alors, autre artiste pour faire changement, Battles. Alors, ah, c'est bon ça, leur pièce Atlas. C'est eux autres qui faisaient ça. C'était ouais, bon, ça. Tu connais ça pour j'adore vrai? La pièce Atlas. Super ben, longue et super bonne. Oui, oui, oui, oui, oui. Ok, c'est la, je pense que c'est la 2, si je me trompe pas. En tout cas, je l'avais CD. En single. Ok, ok, ok. Moi, je pense que c'est la 2, elle dure 7 minutes 7. Là, mais c'est super longue, ouais. Je dirais ça de même. Ça, c'est niaiseux, Kiwan. Ah, que c'est niaiseux. Ok, fait que, ben, en fait, j'ai pas de nouvelles de Battles depuis un certain moment, alors je me suis dit. Je me rappelle pas souvent Battles, non, ben. C'est vrai. On s'appelle on est jeunes. Je me suis peut-être trop. Ah oui. Ben oui, le nom d'émission du matin, ben oui. J'ai vu l'article. Et puis, ouais, c'est ça. Je sais même pas si j'avais le bon numéro de téléphone, fait que j'ai aucune nouvelle. Sauf que je. Bon, en transférant des fichiers sur mon ordinateur, je suis tombé sur cet album-là. C'est beaucoup de détails, ça. Ben, je peux juste présenter les artistes, là, si tu veux. Non, excuse-moi, les tranches de vie sont savoureux. Ben non, mais je vous donne un concept. Vous l'utilisez pas, puis moi, quand je parle, je fais rire de moi. C'est super. Non, moi, je riais pas de toi. Non. Toujours tu riais pas de moi, t'as fait. Je pense qu'elle me... Je pense que... Elle est longue de 7 minutes 7. C'est sûr que je me fais niaiser ici. Je pense que c'est une des dernières fois cette année. Une des dernières fois du mois d'avril. Il en reste 8 à peu près, je pense, des chroniques. Fait que, ouais. Battles, Mirrored. On écoute la pièce qui commence l'album. Race In. Télécharge quoi? Assemblage requis. Kiwan, Maxime et Mathieu. Ouais, c'est ça, mais moi, non, en dernier, c'est Max, ouais. Kiwan, Mathieu et Maxime, ou encore Maxime avec Kiwan et Mathieu. OK. Ben, je suis quand même en dernier dans celle-là, par exemple. Ouais. Elle a 4 minutes 50, cette pièce-là. drôle, ça, là, le petit chien à la fin. C'était Battles avec la pièce Racing, un vieil album, Mirrored, qui date de 2007, mais qu'on avait bien aimé. Hein? Ça reste excellent. Toi, Mathieu, t'avais aimé la pièce Atlas, hein, ben, c'est ça? En fait, c'est la seule que je connais de Battles, là, pour être bien franc avec les gens. Kiwan, qu'est-ce que tu sais, toi, de la pièce Atlas? Ben, à part qu'elle dure 7 minutes 7, je te dirais que je... pas un grand connaisseur d'Atlas. C'est, mais j'ai vrai... c'est la deuxième pièce de l'album. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu vérifieras dans le glossaire un Atlas. Ah, c'est super. Ben, moi, je vous laisse là-dessus, puis je vous revois la semaine prochaine, sûrement. Mm-hmm. Merci. C'est comme un mélange entre merci et Maxime. Super, ciao. Je départ. Merci, Maxime. Donc, on retrouve Maxime lundi prochain, à peu près à la même heure, comme à chaque semaine, avec d'autres suggestions de musique à découvrir. C'est trop à chaque fois. Peut-être une recette la semaine prochaine. Ouais, il faudrait demander une recette de salade de fruits. Tu sais, j'avais pensé que, tu sais, vu que je présente trois artistes, j'aurais pu vous présenter comme trois énoncés puis vous deviner laquelle est pas vraie. Comme avec Patrice Lécuyer. Ouais. C'était une de mes émissions préférées de Patrice Lécuyer. Des 15 meilleures qu'elle a faites juste depuis 2000, tu sais. Hey, son émission, là, qui est à 5 heures, là. C'est quoi donc? Qui est... Union fait la force. Ça, c'est terrible, ça. Terriblement ça, ça bon. Ça devrait pas exister, ça. Oh, franchement. Eh, c'est rare que je fais des éditos, là, mais... Ça, l'Union fait la des force, choses. C'est non, là. Non. Non, mais c'est un bon moyen de financement, tu sais, pour ton équipe de Balmol ou je sais pas. Non? Ouais, c'est ça, parce qu'ils financent quelque chose, hein. Il y a comme quatre des participants. Ah, oh, c'est terrible, c'est terrible. Non, non, non. Faites un souper spaghetti à la place. OK, j'arrête, je m'en vais. C'est excellent, ouais. À la bonne, ta salade, par exemple. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou comme un Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. We'll be right back. La pièce Lumière t'exagère de la formation Polype, en passant à la pièce Presse Citron et dans le palmarès francophone. Mais nous, on aime ça varier des fois. Oui, Polype va être à Trois-Rivières quand même dans pas si longtemps. C'est au mois de mars, là, au début du mois de mars. Polype va être ici avec Barton Fink, le même groupe avec qui ils étaient passés un peu avant les fêtes. Il était venu d'ailleurs ici à l'émission. C'est disponible en balado-diffusion. D'ailleurs, si vous voulez réentendre l'entrevue avec... avec Polype. Incroyable, sur le www.cfou.ca. Allez-y, on vous ordonne de le faire et allez voir en même temps les infos sur nos émissions. Oui, c'est le 3 mars prochain. Polype avec Barton Fink à l'embuscade d'ici à 3 heures. Ouh! C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On s'en vient tout à l'heure avec une deuxième heure remplie de technologie avec la chronique CNX. Vous aussi avoir les petites mythologies de Martin Bertrand et je vous parle de décalade. C'est dans la deuxième heure, tout de suite après ça. C'est Bouddha. Au char! 89-1-1-1. Bon retour et bienvenue à Assemblage Requis. Oui, la deuxième heure en feu! Voilà. J'ai de la misère à initier, à introduire la deuxième heure, Mathieu, tu vois. T'as de la misère à t'introduire, tu dis? Je suis meilleur pour les premières heures que les deuxièmes heures. Ah ben! Tu m'en diras tant. Tout est bon pour ça, la deuxième heure. Et dans cette deuxième heure, ici, j'essaie à Assemblage Requis... J'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, non? Non, il n'y a absolument rien. Ça veut juste dire que t'es bon pour introduire la deuxième heure de l'émission. OK. Fait qu'il n'y a rien de croche là-dedans. Non, t'essaies toujours de trouver des choses croches, mais il n'y en a pas. Ça, c'était-tu croche, par exemple? Non. Paranoïaque. Ouais. Hey, dans cette heure qui s'en vient, Mathieu, il va avoir, entre autres, les petites mythologies de Martin Bertrand qui parle aujourd'hui des... Le bonheur en pilule. Le bonheur en pilule. Oui. Il va avoir du CNX et on parle de décalade un petit peu plus tard. Mais tout de suite, on va écouter une pièce de Marie-Pierre Arthur, celle qui se retrouve sur le palmarès francophone ici à C'est Fou. Et Marie-Pierre Arthur est jeudi le 18 février en spectacle ici à Trois-Rivières à la salle Alain Salard Rousseau de la Maison de la Culture. Ça a tout rentré et puis il reste plein de temps. Regarde-moi ça. Wow. T'es un maître du timing. Pas tant, finalement. Non, je sais. Pierre-Arthur et la pièce Elle, c'est dans le palmarès francophone de C'est fou. Effectivement, et donc, comme on le disait tantôt, c'est à la Maison de la Culture ce jeudi, Marie-Pierre-Arthur en spectacle ici à Trois-Rivières. Et toi, en fin de semaine passée, tu as fait de la décalade et on a envie d'en parler, donc j'ai trouvé un beau petit thème kitsch là, à souhait, c'est miam miam miam. Ouais, je trouve que c'est tout à fait adéquat. Tout à fait. Ouais, parce que tu portais du fluo, un petit spandex là, très, très serré quand tu faisais ça. Hein? Et un scrunchie aussi. C'est ça, scrunchie. Voilà. Donc, de la décalade, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous explique ce que c'est la décalade. En fin de semaine, j'allais faire ça. C'était la deuxième fois que j'en faisais. J'ai un ami à moi qui est instructeur pour l'école de décalade. Il en existe seulement une, mais avant de vous parler de la structure, je vous fais une petite introduction, une petite entrée en matière de la décalade. Ce que c'est, en fait, c'est de la descente de parois verticales, donc soit des murs, des falaises. On peut descendre aussi des ponts complètement dans le vide, mais avec la tête face au sol. Donc, contrairement à de la descente en rappel, qui est une activité quand même un petit peu plus connu parce que bon, c'est relié directement à l'escalade, mais la descente en rappel, on est de dos, on descend comme la tête par en haut, et la décalade, c'est vraiment face vers le sol. Ça a commencé, en fait, la décalade, c'est une technique qui était militaire à la base, c'est une technique qui était utilisée pour descendre des hélicoptères militaires en opération de guerre, là, j'imagine. Et puis le but de tout ça, c'était parce qu'en fait, quand on descend en décalade, on utilise seulement une main, donc on a toujours une main libre, donc ça permettait aux soldats d'être premièrement face au sol, donc ils pouvaient voir leurs ennemis quand ils descendaient sur un champ de bataille, ils pouvaient voir leurs ennemis et avec leurs mains libres, ils pouvaient manier leurs armes. Donc c'est à ça que ça servait à la base de décalade. Un peu comme la porn sur Internet. Une main libre, une arme, des combats, c'est pareil. Pareil. Donc, c'est ça. Donc, en 1987, il y a un gars qui s'appelle Pierre-Anthony Corey, qui est un ancien militaire qui, lui, avait justement expérimenté la décalade dans un milieu militaire. Lui, il a décidé de démocratiser ça un peu, de rendre ça, de le rendre accessible aux civils. Puis, il a modifié un peu aussi là, les techniques pour que ce soit justement plus facile. Entre autres, dans l'armée, quand ils font ça, ils utilisent toujours des cordes statiques. Ils utilisent des cordes dynamiques qui ont une résistance, qui sont un peu élastiques. Donc, c'est moins dur, il y a moins de coûts. Et c'est ça, ils ont vraiment adapté tout ça pour que ça soit finalement une activité sportive. C'est une activité sportive, oui, mais quand même, ça demande pas tant d'aptitudes physiques. C'est pas quelque chose qui est très exigeant physiquement, parce que bon, techniquement, ça consiste seulement à se lancer en bas d'un immeuble. Tu sais, si on veut vulgariser un peu, donc ça demande pas de très grandes aptitudes physiques, sauf que l'exercice, en fait, c'est vraiment un exercice de maîtrise de soi. Okay. Parce que c'est quand même contre nature là, de se lancer en bas d'un immeuble. Tu sais, t'es en haut, t'es assis sur le bord d'un immeuble. Faut que tu te lances en bas. Tu sais, faut que tu tournes. Puis c'est pas comme le parachute, par exemple. En tout cas, moi, j'ai entendu du monde, j'en ai jamais fait du parachute ou j'ai jamais fait de bungee non plus. Sauf que quand tu fais ce genre d'activité-là, c'est une fraction de seconde où tu décides, où tu dis go, je saute, puis après ça, t'as plus le contrôle. T'sais, quand tu sautes en parachute, ça prend juste la fraction de seconde où au pire, quelqu'un te pousse ou de toute façon, quand tu sautes en parachute, t'es accroché à une autre personne pour la première fois. Mais ça, c'est une fraction de seconde, puis après ça, tu contrôles plus, tu descends, t'es en chute libre. C'est la personne en bas qui contrôle la corde ou. Là, je parle du parachute. Ok, excuse-moi. C'est ça, la différence avec la décalade, c'est que tu dois toujours être en contrôle. Tu peux pas dire, OK, à gauche, saute, puis après ça, c'est fini, je me laisse aller. Parce que tout le long de la descente, tu dois constamment être en contrôle. Donc, il y a le moment où il faut que tu passes du toit de l'immeuble à la position verticale. Ça peut être long parce que c'est pas, tu comprends que c'est pas je saute en bas. C'est vraiment, toute une technique. Il faut que tu descendes tranquillement, il faut que tu descendes ta tête à l'horizontale dans le vide. Donc, c'est quand même assez compliqué à faire, mais pas techniquement, pas physiquement. C'est vraiment le contrôle de soi, puis la confiance, tout ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment là, l'objectif principal, en fait, de faire ça. C'est sûr que aussi, c'est toute une décharge d'adrénaline là, en même temps. Là. Je dirais que c'est peut-être ça, en fait, la principale raison. Mais je sais qu'entre autres, l'association canadienne de décalade et de Mountain Cross, qui sont ceux qui aujourd'hui régissent la décalade au Québec, organise entre autres des... Tu peux faire, mettons, un genre de séminaire avec ça, avec tes collègues de bureau, avec peu importe avec qui. Puis c'est vraiment... c'est en fond utilisé comme pour vraiment apprendre la maîtrise de soi. C'est vraiment ça que ça enseigne finalement. Donc, pour parler finalement un peu de la structure, comment c'est organisé la décalade au Québec. Donc, je disais que c'est Pierre-Anthony Corey qui avait commencé à initier des gens à la pratique sportive, la décalade. Donc, ensuite de ça, Luc Mayotte, lui, a fondé l'Association canadienne de décalade et de Mountain Cross. Puis aujourd'hui, c'est eux qui au Québec. Puis en même temps, c'est pas tant documenté, mais en tout cas, selon eux, ils sont le seul organisme en Amérique du Nord qui sont aussi bien structurés, qui offrent des activités de pratique et de formation de la décalade, donc probablement aussi au monde. C'est dur à dire parce que ils savent pas vraiment là, s'il y a des places à quelque part où ils en font, puis qu'ils sont juste pas aussi bien affichés pis, sur Internet et tout ça. Mais en tout cas, ils peuvent prétendre qu'ils sont assurément parmi ceux à travers le monde qui maîtrisent mieux la pratique de la décalade. Et c'est ça, donc pour quelqu'un comme toi puis moi qui veulent aller en faire en tant que simple participant, juste pour l'essayer, ça marche, c'est une demi-journée en fait. Tu prends une réservation donc à l'Académie de l'Association canadienne de décalade, qui sont la seule organisme qui font ça. Et là, t'as une demi-journée en fait qui comprend l'initiation plus 3 descentes. Ça coûte 65$ pour la demi-journée par personne. Ça peut paraître quand même beaucoup de sous. Moi, en fait, je suis allé en fin de semaine parce que pour la Saint-Valentin, il y avait un spécial 2 pour 1. Ah, cheap! Non, vraiment. Donc, je cherchais des amis en fin de semaine. Finalement, j'ai trouvé un des amis qui, lui aussi, voulait essayer ça. Fait qu'on en a profité. Ça vaut encore plus la peine, même si c'est un événement en soi. Donc, ça vaut la peine de payer aussi cher. Mais bon. Ouais, ça vaut la peine au début. T'sais, souvent, le monde y pense, des fois, 65$ pour aller me pendre au bout d'une corde. Je suis pas sûr que ça me tente vraiment. Pour mourir. Non. C'est très sécuritaire. C'est quoi quand les même. Risques, justement? Il n'y a pas de risque de mourir. Il n'y a jamais eu aucun accident mortel, en tout cas pas à l'Association canadienne de décalade et de Mountain Cross. C'est vraiment très, très, très sécuritaire. Et d'ailleurs, si vous continuez plus, si vous passez l'étape du simple pratiquant là, de la décalade, vous pouvez ensuite aller acquérir des niveaux de compétences. Il y en a 7. Donc, c'est vraiment des cours, c'est carrément des cours, des ateliers qui sont donnés par l'Association canadienne de décalade. Donc, c'est ça, il y a 7 niveaux. Donc, c'est comme le premier niveau, c'est 2 journées de formation, ça coûte 225$, puis là, tu as la carte de l'association. Là, tout ce que tu apprends à faire, dans le fond, c'est l'initiation au sol. Tu apprends à faire des sauts, tu apprends à contrôler. Dans le fond, c'est un peu comme tu fais juste être participant, mais tu as ta carte, dans le fond. T'as des compétences qui disent qu'avec ta carte, ça donne des compétences de sauteur. Puis après ça, tous les autres niveaux, là, ça continue. Il y en a 7. Le 6e, par exemple, c'est pour devenir gérant de site. Donc, tu peux t'ouvrir toi-même ton site de décalade parce que là, t'as toutes les compétences pour l'ancrage des cordes, pour la sécurité. Et puis le 7e niveau, c'est maître instructeur. Donc là, tu peux former des gens pour devenir ensuite de ça instructeur. Et justement, en fin de semaine, quand on est allé, il y avait un gars qui était là. Qui s'appelle Ludovic et qui vient de la Belgique. Qui vient de la Belgique et lui, c'est ça, dans le fond, il est venu chercher les sept niveaux de compétences d'un coup. Ça fait un mois et demi qu'il est ici au Québec avec l'association pour vraiment aller chercher les 7 niveaux pour ensuite aller importer ça dans son pays, en Belgique. Lui, il a déjà un site là, d'aventure comme ça dans les arbres. Lui, il fait un peu c'est comme du parcours dans les arbres avec du camping. Et puis là, il veut intégrer la décalade à ça. Donc, il est venu chercher les compétences pour devenir maître instructeur pour pouvoir exporter ça là-bas. Ouais, avec le temps, ça va sûrement prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expansion. Ouais, c'est ça. Étant donné qu'il y a seulement une équipe, une association qui fait ça. Ils sont basés à Drummondville. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit. Ça se passe dans plusieurs régions au Québec, mais l'école en tant que telle est vraiment à Drummondville. Luc Mayotte, celui qui est parti de l'association, est basé là-bas. Donc, peu à peu, il continue à former les gens, les instructeurs. Monte les échelons, ont de plus en plus de niveaux de compétences. Donc là, l'équipe a grandi. Puis en même temps, il y a de plus en plus de gens comme moi qui deviennent adeptes, qui en parlent à leurs amis, qui eux deviennent adeptes aussi. Donc ça devient de plus en plus populaire. Et le site à Drummondville, finalement, pour conclure, je vous parle de mon expérience personnelle. En fin de semaine, c'était à Drummondville. En fait, au départ, quand j'avais entendu parler de l'événement en fin de semaine, ça devait être sur la rive sud de Montréal, à Beauharnois. Il y a un site qui est, en tout cas, apparemment le meilleur site, la place la plus intéressante pour aller en faire parce que c'est vraiment très haut. On parle de au-dessus de 100 pieds de hauteur, donc c'est vraiment très haut. C'est sur une usine abandonnée, une usine désaffectée. Et moi, la première fois que j'en avais fait l'été dernier, c'était là-bas. Donc, j'avais comme commencé par la place la plus haute et la plus impressionnante. Ça avait été vraiment tout qu'un trip l'été passé quand j'en avais fait. Puis là, c'était la deuxième fois que j'en faisais. C'était à l'école de l'association de l'écalade à Drummondville. La paroi est un peu moins haute et moins impressionnante aussi à cause de la forme de la bâtisse. C'est vraiment un grand toit plat où plusieurs personnes peuvent être debout, contrairement à l'autre endroit à Boisrenaud où c'est carrément une tour. T'es sur le sommet d'une tour qui est à peu près 2 mètres par 2 mètres, puis tu sautes à partir de là. Donc, c'est vraiment plus impressionnant. Donc, finalement, ma conclusion pour mon expérience personnelle, c'est qu'il n'y a vraiment rien qui bat la première fois. La première fois quand tu y vas, puis il faut que tu apprennes à combattre, faut que tu apprennes à ton cerveau que c'est possible de descendre comme ça, de te laisser aller dans le vide. Un coup que tu l'as fait une fois, tu sais que ça se fait. Tu as confiance en l'équipement, en la corde, aux instructeurs. Donc, après ça, tu te laisses aller puis tu sais que c'est faisable. Mais la première fois, je te dis, c'est tellement incroyable comme rush d'adrénaline de devoir te pencher comme ça. Moi, la première fois, ça m'a pris là, un bon 5 minutes. Puis il y avait mon ami en bas qui me filmait. Puis là, elle attendait. Puis là, c'était long, comme 5 minutes. Fait que là, le film, il dure vraiment très longtemps où je suis juste assis. Puis là, on voit de loin, je suis vraiment en bas. On me filme d'en bas, donc je suis en haut de très loin. Puis on sait pas trop ce qui se passe, mais tu sais, j'ai vraiment la chienne. Là. Puis vraiment, la première fois, j'ai douté. Je me suis dit, ah, je le ferai pas. Peut-être finalement, je vais changer, je vais revirer de bord, je vais redescendre par l'escalier. Mais non, vraiment, la première fois, il n'y a rien pour battre ça. Puis après ça, ben, les autres fois, quand on en fait, quand on continue comme en fin de semaine, ben, là, on travaille plus sur la technique. Et puis en plus, il y a plein de tricks qui peuvent se faire. Tu peux faire des 360, faire des pauses. Ben, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Donc voilà, je vous conseille fortement d'essayer ça, Mathieu. Tu devrais vraiment essayer ça un jour, la décalade. Est-ce que ma face montre mon avis de ça? Oui, tout à fait. Ça a l'air absolument en pleine confiance. C'est ça. On sent qu'il n'y a pas de beam d'acier non padé. Non, c'est ça. C'est quand même très sécuritaire. Oui, vraiment, là, l'équipement est hyper sécuritaire. C'est vérifié à chaque fois. Puis même à chaque saut que tu fais, il faut que tu refasses les vérifications. Puis il y a plusieurs instructeurs qui surveillent. Il y a quelqu'un d'ailleurs en bas. Si, admettons, tu perds connaissance, parce qu'en fait, c'est toi qui as le contrôle sur la corde. C'est toi qui décides si tu descends ou pas, si tu te laisses, si tu te laisses descendre ou pas. Mais il y a quelqu'un en bas qui tient la corde et cette personne-là a la capacité de t'arrêter. Si jamais, toi, mettons, tu perds connaissance parce que t'as trop peur ou je sais pas, t'échappes la corde, mais tu tomberas pas parce que la personne en bas va te retenir. Là. C'est très sécuritaire. J'ai jamais eu d'accident encore. Bon. Et on n'est pas à Vancouver. Non. Ouais. Donc, décalade. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Peut-être que tantôt, je vais être capable de vous trouver les coordonnées. On mettra ça sur le site d'Assemblage Requis. Assemblagerequis.com, ceux qui veulent l'essayer. C'est vraiment 4 saisons. Il y en a tout l'hiver. C'est sûr qu'ils vont on pas se V maintenant. V. T'es les 4 saisons. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ouais, je sais. Non, ça se pratique à l'année. Donc, tu vois, hier, c'était en plein hiver. Il ventait, il neigeait même un petit peu. Que ce soit qu'il fait plus froid en haut, là, t'es quand même sur le toit d'un quatrième étage, donc il fait un peu froid. Mais ça se fait quand même à l'année. Donc, les coordonnées, si jamais ça vous tente d'essayer, vont être sur le www.assemblagerequis.com. De toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h. Tantôt, il va y avoir une chronique technologique CNX et on va parler de logiciels et de sites web qui vont vous simplifier la vie de geek. Mais avant ça, on va entendre les amis au Pakistan et un de leurs vieux succès. Voici Mastinga. C'était Assemblage Requis au 89.fm. C'est fou. Quel est le mémo de ton mimosa? Quel est le mimus de la fascicule? Répondez une question, sinon mayonnaise et moins pas. Mr. Us te pose une black cherry fish. Mr. Us te pose une black cherry fish. Il me reste des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses, des grasses

La pièce sans doute qu'on vient d'entendre de Pascal Bizet. Pascal Bizet, pour ceux qui ont peut-être reconnu la voix, ça vous disait peut-être quelque chose. C'est le chanteur du groupe Royal Arch, groupe qui a eu plusieurs pièces sur les palmarès francophones ici à C'est Fou. Donc c'est un projet solo pour Pascal Bizet, le chanteur de Royal Arch. Et sur la page Facebook ou sur le site internet, sûrement si vous tapez Pascal Bizet et la pièce sans doute, vous allez voir le clip qui a été réalisé pour ça, qui est spécial. Disons, c'est un film Super 8. C'est conceptuel, là, c'est pas très développé, mais c'est pas non plus minimaliste, je dirais. Donc, c'est très vague comme description, mais c'est allez flou, voir. Ouais. Si vous voulez voir un beau film Super 8 de 5 minutes, là, avec une pièce. Ça, la pièce, moi, je la trouve excellente. La pièce, ouais, doute, très, très, très bonne. Ouais. Ça vaut la peine. Ouais. Parlons de vélo un peu. Oui, vous avez peut-être vu aujourd'hui, si vous étiez à Trois-Rivières, avant midi, je dirais aux alentours de 11h ce matin, ou sur l'heure du dîner, vous avez peut-être vu un groupe de cyclistes passer avec des dossards jaunes, avec une voiture qui les suivait. Vous avez peut-être demandé, comme moi, qu'est-ce que c'était. Moi, je les ai vus, je les ai croisés par hasard comme ça ce matin-là, avant dîner. Puis, c'est ça, j'ai fait une petite recherche pour voir qui sont ces mystérieux cyclistes qui se promènent comme ça en plein hiver, en peloton. Et c'est l'Action citoyenne à vélo, avec leur événement « Avant que ça déraille ». Excusez. Donc, c'est la 9e et la 8e édition cette année. Ça fait 7 ans. Donc, c'est la 8e année cette année qu'ils font ça. Ils partent de Montréal. Ils sont partis hier à vélo de Montréal. Ils s'en vont à Québec. Donc, ils vont arriver à Québec demain. Ils vont aller à l'Assemblée nationale pour faire des revendications à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une façon un peu de... C'est un genre de moyen de pression, de protester. Et ce qu'ils demandent, eux, en fait, l'Action citoyenne à vélo... C'est demande au gouvernement de favoriser l'accès au vélo, donc l'accès aux pistes cyclables, de développer le réseau cycliste et des réglementations en fait pour régir l'utilisation de la voiture en zone urbaine. Puis ils ont vraiment une liste là, de 10 suggestions pour arriver à ce but-là. Donc, favoriser le covoiturage, inciter des camarades de classe au collège à marcher, en tout cas. Donc, ils ont une liste assez exhaustive de recommandations à faire. Et puis, donc c'est ça, je trouve que c'est quand même un acte remarquable, oui. Partir de Montréal. Déjà, Montréal-Québec en vélo, c'est pas surhumain, ça se fait. Mais en plein hiver, au mois de février, là, son chanceux aujourd'hui, il faisait quand même doux. Oui, doux, mais il y avait de la neige un petit peu. Ben, quand même, tu sais. Puis moi, quand je les ai vus, ils étaient sur le bord du fleuve, là, dans le coin de Pointe-du-Lac, ça devait pas être très chaud. Donc, ils sont quand même motivés. Ils sont une trentaine environ à faire le trajet Montréal-Québec. Donc, c'est l'Action citoyenne à vélo. Courage à eux. Courage. Mmh. Félicitations et très bonne cause. Ouais, très bonne initiative. Absolument. Voilà. Donc, tantôt, je le rappelle, il y a la chronique technologique CNX. Mais avant ça, on va retourner voir notre ami Martin Bertrand pour la dernière de sa série 2 sur les petites mythologies. À chaque semaine, il analyse une icône de la culture populaire. Et aujourd'hui, c'est le bonheur en pilule qu'on s'en va entendre. Et puis, j'aurai une nouvelle à vous annoncer par rapport à Martin Bertrand juste après. Ouh! À Assemblage Requis. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est Fou. Le bonheur en pilule. Sur les étals des dépanneurs sévissent actuellement de nouveaux produits, quelque peu incongrus, qui sont offerts par des stations de radio panquébécoises dont on taira le nom et qui promettent le calme aux gens stressés et la vigueur aux gens frigides. Il s'agit de produits sous forme de pilules, nouvelle manière de faire la promotion d'une chaîne, mais surtout symptôme d'un monde qui s'imagine pouvoir tout régler par des cachets multicolores. Bien qu'il n'ait pas fait un tabac, comme les voleurs d'enfance, Québec sous ordonnance de Paul Arcan avait quand même le mérite d'attirer l'attention sur la surmédication qui sévit actuellement. Effectivement, chaque problème a sa pilule et on ne se gêne pas pour inventer de nouveaux mots de surcroît. Ainsi, si l'impotence était autrefois un problème commun, mais qui ne méritait pas de titre de maladie, désormais on parle de dysfonction érectile. Appréciez bien l'euphémisme. Et on a même inventé des remèdes au mal qu'on a conçu sous la forme d'une petite pilule bleue, copatant de médicaments qui, malgré qu'ils soient loin d'être indispensables et coûtent les yeux de la tête, nous est vendu comme un impératif à une vie saine, réglant la dite dysfonction. La publicité qui entoure les pilules met présentement beaucoup l'emphase sur le bien-être. On y voit des gens heureux, qui ont réussi à abattre tous les obstacles dans leur vie et qui vivent aujourd'hui le parfait bonheur grâce à l'entremise des cachets médicamenteux. Ce n'est plus une pilule qu'on vend, c'est du bonheur. Le cachet lui-même arbore les formes les plus diverses et rappelle trop souvent les bonbons de notre enfance. Il revêt également toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme sur les comptoirs des confiseries,

à Shawinigan au Broadway Pub, en plus avec les excellentes bières de microbrasserie du Broadway Pub. Ça va être magique. Vous pouvez être sûr que je vais être là. Est-ce que les 1000 vont être là? 1000 monarques, toutes les 1000 vont être là? Oui. 1000 monarchs? Au complet, là. Wow. Puis en plus, il va y avoir un groupe de Shawinigan en première partie. Je le connais pas, par contre. On pourra peut-être expérimenter. On va se servir du petit logiciel que j'ai mentionné tantôt. Là, attends un peu. Tube Master plus. Donc, le groupe s'appelle Bijou. C'est un groupe de Shawinigan. Et c'est pas au bijou, là. Non, non, c'est vraiment simplement bijou au pluriel. Donc, on va en écouter une pièce tantôt. En fait, étant donné qu'on le connaît pas, on va peut-être tester avant de vous présenter bijou. Mais pour tout de suite, on va écouter 1000 monarques avec la pièce L'immense larme à assemblage. Okay. 1000 monarchs. That's 1000 monarchs. Moi, ça me fait capoter 1000 monarques. Ça me fait surtout capoter qu'ils vont être à Shawinigan samedi. Ouais. Alors, en show, là, ça brasera beaucoup 1000 monarques, là. Le son est souvent un peu feutré, là, comme ça, quand tu l'écoutes en version album, là, mais en show, là, c'est malade. C'est très, très rock. Oh. L'immense larme de Mille Monarques. Et oui, Mille Monarques, je vous le rappelle, vont être en spectacle samedi le 20 février à Shawinigan au Broadway Pub. Manquez pas cette occasion-là de voir un très, très bon spectacle. Ça coûte seulement 5$ en plus. Il va y avoir le groupe Bijoux, groupe de Shawinigan, qu'on va découvrir ensemble dans quelques minutes, qui va être en première partie. Je pense que ça va être un très, très bon spectacle. Combien tu as dit que ça coûtait? 5. T'as même pas dit douille ou bille ou t'aurais pu dire des bijoux, des bagues. 5 poivrons. 5 poivrons! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mmh. Piment fort. Ça, c'était des piments, c'était pas pareil. Ouais. OK, donc c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 15h avec Émilie Gauthier pour sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Nouveauté CD aussi demain à l'émission. Et ce qui s'en vient tout de suite pour vous, c'est Donne-moi le goût. Oui, après Donne-moi le goût, il y aura Crowdrock avec Simon Fitzbay, puis Le Voyage insolite. Et à 21h, c'est au poil. En passant, demain matin, Simon anime et on s'appelle et on déjeune. Oui, c'est à 7h. La nouvelle émission du matin. It's all new. Et puis à 11h, il y a le dîner de con avec Danny et André. Et on se retrouve là. Oh, et demain, l'inconduit de partie, Nicolas de Charme aussi. 9h. C'était beaucoup d'affaires. Écoutez ça, hein. Prenez un agenda puis prenez des notes. Grosse journée mardi quand même. On se quitte, comme tu disais, avec Bijoux, avec un X. Oui, on va découvrir ça ensemble, le groupe Bijoux. La pièce s'appelle Double Trouble. À demain. Bonne soirée. Bye.